franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Margaret, je t'emmène à Dunkerque. Oui, alors attention aux prononciations. Dunkerque ou Dunkerque en flamand occidental. Merci Margaret. Oui, Dunkerque est une commune française de 92 923 habitants. 92 922 habitants, sous-préfecture du département du Nord et de la région Nord-Pas-de-Calais. La ville est baignée par la mer du Nord et plusieurs canaux. Ses habitants, donc au nombre à 92 918 à présent, ben dis donc, sont appelés les Dunkerquois et les Dunkerquoises. Et ils sont au nombre dorénavant de 92 926. Ah, 25. Ah, quelle ville! C'est un petit peu comme pour Paris, il n'y manque que la mer. Qu'en dites-vous, Romain? J'en pense qu'on a la mer. Mais oui, oh, c'est une blague. Petit déficit d'humour chez Romain. Bon, c'est pas grave. Alors? Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Philippe. Bonjour. Le corps, l'esprit, hein, ouyouyou, j'ai mal aux genoux, ou bien je suis pas normal. Alors non, je suis pas tout à fait d'accord. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a un problème psychique qu'il est anormal. Non, il est juste limité, c'est tout. Bon, en tout cas, je pense qu'il s'agit d'une question pour vous deux. Mm-hmm. Peut-être un petit peu plus pour vous, Margaret. On vous écoute. Coûte que coûte. Je voudrais parler de mon expérience catastrophique en deuxième année. Enfin, début de deuxième année de médecine à la fac. Ah oui, le bizutage, oui, alors c'est sympa ça. Je vois très bien ce que c'est, hein, puisque je n'ai pas arrêté mes études en fin de première année. Ouais, donc vous avez eu droit au way. Ouais. Hein, le way, vous voyez? Oui, mais nous à l'époque, ça voulait pas dire ça, voilà. Parce que vous, ça veut dire quoi? Bah, ça fait longtemps que ça existe quand même, le way. W8, week-end d'intégration. Week-end d'intégration? Je le rappelle, le WEI, acronyme du week-end d'intégration. W-E-I. Ouais. Voilà, et ben je prononce WEI. Ouais, moi aussi. Bon, mais vous trouvez ça bien, vous? Quoi? Le bizutage. Oh, ben oui, c'est une façon de s'intégrer, de faire partie du groupe. Et puis comme ils ont tous été bizutés avant, c'est normal qu'ils se vengent sur les petits nouveaux. Mais ça peut être très grave, non? Margaret, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça bien? Bah oui, mais c'est la tradition, Romain. On a tendance à diaboliser toutes nos vieilles traditions, à remettre en question des pratiques conviviales et sympas qui n'ont jamais gêné personne, jusqu'à ce que certains commencent à dire que « Oh là là, ça m'a traumatisé, c'est pour ça que j'arrête médecine ou l'armée ou je sais trop quoi encore. » Vous êtes jeune, on est un peu potache et bon enfant normalement à votre âge, non? Vous trouvez ça potache que trois mecs vous attachent et vous enfoncent une bouteille de Perrier dans l'anus? Badois, San Pellegrino, Kézac. Comment? Non, c'est pour le CSA, c'est pour ça. Bon, en attendant, c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite, ils m'ont fait avaler du poisson pourri, ils m'ont recouvert d'excréments en me traitant de grosse merde. Alors, pardon Romain, ils vous ont traité de grosse merde, je vous cite, hein, pardon à nos auditeurs et bon appétit néanmoins, avant ou après vous avoir recouvert de matière fécale? Ça change quoi? À tout, vous auriez pu prendre ça pour vous si l'insulte avait été proférée avant. Ouais, bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est ignoble d'humilier quelqu'un comme ça. J'ai eu des cauchemars pendant des semaines et au final, j'ai arrêté médecine parce que je voulais pas recroiser ces types. Ah, voilà, vous avez arrêté médecine. D'accord, c'est ça. Ouais, vous voulez dire quoi? Non, rien, je me pose juste la question de savoir si au fond vous n'auriez pas de toute façon arrêté médecine. Et si ce genre d'initiation n'est pas aussi faite, eh bien pour sélectionner les individus les plus aptes à supporter tout ce qu'implique la médecine. Ouais, vous pensez vraiment que pour faire un bon médecin, il faut pouvoir supporter de se faire introduire une bouteille dans l'anus? Non, j'ai pas dit ça. Enfin, quoique, en procto... Mais non, enfin, Romain... Si vous ne supportez pas une proximité avec des excréments, auriez-vous vraiment été capable de supporter la vue d'un corps éviscéré dans un bloc opératoire? Non, mais ça n'a rien à voir. Bon, vous, Margaret, en tant que femme, vous avez dû subir un bizutage effrayant, non? Alors, non, Romain, je rappelle, et c'est la psychothérapeute qui vous le dit, que je suis psychothérapeute, hein, et non psychiatre, hein, et que ce n'est pas du tout la même chose. Le psychiatre se targue souvent du haut de ses 10 années d'études de connaître l'âme humaine comme sa poche, alors que non, l'empathie ne s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Et ça suffit. Ça et une plaque en laiton apposée sur la façade de la maison qui dit « Margaret de Beaulieu, psychothérapeute ». Eh oui, d'ailleurs, c'est moi qui lui ai offert sa jolie plaque à une époque où Margaret était très désœuvrée. Ah oui, je m'en souviens parfaitement. J'ai défait le paquet cadeau et là, quand j'ai vu graver Margaret de Beaulieu, psychothérapeute, je me suis dit oh « Mais bien sûr, psychothérapeute, quelle idée géniale voilà. !» Bon, génial. Oui, d'accord, mais vous pourriez quand même avoir un avis sur ces pratiques. Hein. Moi et vous, docteur, votre bizutage, ça vous a pas atteint? Ah ben si, bien sûr, ça m'a atteint psychologiquement. Hein. Mais c'était très différent à mon époque. Ouais. Ils vous ont fait quoi? Hein? Ah ben, eh ben alors je vais vous dire. Tout d'abord, ils nous ont forcés à aller dans une crêperie où on a été obligés de manger 6 crêpes d'affilée, chacun, hein, j'en pouvais plus. Et le pire, ils nous ont emmenés dans un cinéma et ils nous ont forcés à regarder toutes les séances d'Eliott le Dragon. Non mais c'est une blague. Oui, c'est une blague, oui, c'est ça le bizutage. Hein, c'est ça, c'est rigolo, il ne faut pas commencer à y mettre des significations. Il faut arrêter avec la dictature du tout-psy et c'est moi qui vous le dis, donc... Ouais, bah vous n'êtes pas psy. Oui, bah je vous le dis quand même. Non mais excusez-moi, mais votre bizutage c'est rien par rapport à ce que d'autres subissent, entre regarder Eliott le Dragon et se faire mettre une bouteille dans l'anus. Bah en tout cas, moi je sais bien ce que j'aurais choisi, si on peut choisir. Hein. Mais quoi? Bah oui, bah quoi? Bah, il est bête ce film, je l'adore, il me fait rire, oh on peut plus rire, oh là là. Ouais, je trouve le bizutage pas drôle du tout et extrêmement dangereux, voilà. Bah écoutez, chacun pense comme il veut, hein, et ça c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Ouais, bah, je pense qu'il vaudrait mieux que j'aille voir un psychiatre qui a fait 10 ans d'études. Ah oui, eh ben vous lui demanderez comment il s'est fait bizuter et combien il en a mis lui aussi des ham-ham dans le cul, hein, des bouteilles dans le ham-ham. Non, attends, Romain est décidément bien obtus. Cher Romain, je vous citerai Noctuel. Est-ce parce qu'ils ont pris de la bouteille que certains êtres sont bouchés? Oui. Alors, un peu de légèreté chahutée n'a jamais fait de mal à personne. Au revoir Yann Chouquet, qui en a pris de la bouteille depuis qu'il travaille avec les Beaulieu. C'est pas faux. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.